m'arrive de pleurer de colère. Quand je vois des larmes au bord de tes yeux, je me sens coupable d'être ton père, de te rendre triste et malheureux. Je fais l'amour pour un enfant sans m'être jamais dit qu'il faut être deux. Jamais dit qu'il faut être.